بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc la partie suivante dans l'explication du livre de Cheikh Mohamed Aman al-Jami rahimahullah, منزلة السنة في التشريع الإسلامي, c'est-à-dire le degré ou le statut de la sunna dans la législation islamique. Le Cheikh Mohamed Aman, hafizahullah, wa rahimahullah, plutôt, parce qu'il est décédé, le Cheikh, eh bien, il explique maintenant les références qui existent dans le Coran sur le fait que la sunna fait partie de la révélation et les preuves de ça. Donc il mentionne, par exemple, il dit وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ الْحِكْمَةِ فِي عَدِيدٍ يعني مِنَ الْآيَاتِ. فهي دي السنة هي الحكمة, السنة في القرآن هي الحكمة. وقد ذكر الله الحكمة في عديد من آيات الكتاب العزيز مقرونة بالكتاب, مما لا شك فيه أن المراد بالحكمة في تلك الآيات المشار إليها كلها يعني السنة النبوية. ومن تلكم الآيات قوله تعالى ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقوله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقوله سبحانه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والآيات في هذا المعنى كلها تعطف الحكمة على الكتاب عطفا يدل على المغايرة. طبعا يقول الإمام الشافعي رحمه الله فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله في رسالته المشهورة فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة, فسمعت من أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسوله sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il explique que dans plusieurs versets dans le Coran on mentionne le livre et la sagesse, le livre et la sagesse, le livre et la sagesse. Dans tous ces versets, quand on parle de la sagesse, al-hikmah, en réalité on parle de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne plusieurs versets dans ce sens là et parmi les versets qu'il mentionne, le verset 164 dans sourate Al-Imran, le verset 113 dans sourate An-Nisa, le verset 231 dans sourate Al-Baqara, le verset 34 dans sourate Al-Ahzab. Et je vais vous donner comme par exemple quelques traductions de certains des sens de certains de ces versets, dans lesquels par exemple un d'entre eux, le verset dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Allah a certes fait une grande faveur aux croyants lorsqu'il a suscité parmi eux un messager de par eux-mêmes qui leur récite ces versets et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans une grande égarement, un égarement évident. Le verset 113 dans Sourate An-Nisa, il a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et il t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas, et la grâce d'Allah sur toi est certes immense. Et le verset 231 dans Sourate Al-Baqarah, il rappelle, et souvenez-vous, ou bien rappelez-vous de la grâce d'Allah sur vous, et ce qu'il a fait descendre sur vous du livre et de la sagesse. Et le verset 34 dans Sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, et mentionnez, rappelez ce qui est récité dans vos demeures des versets d'Allah et de la sagesse. Donc, le cheikh explique que dans tous ces versets-là, on associe le terme « hikmah » au livre, « al-kitab ». Et « al-kitab », c'est le Coran et, bien entendu, « al-hikmah », puisque c'est mentionné avec. Donc ça veut dire que c'est autre chose que le Coran. C'est pas le Coran lui-même. La sagesse, c'est autre chose que le Kitab. Et donc il explique que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux hommes de suivre sa révélation et les sunan, c'est-à-dire les exemples de son messager, alayhi salatu wassalam. Et il mentionne dans son livre, Al-Risala, qui est très célèbre, que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, il mentionne dans son livre le Coran et il mentionne la sagesse. Et il dit, j'ai entendu ceux dont j'ai agréé, ceux que, dont je suis satisfait parmi les hommes de science, à propos du Coran, qui disaient que la sagesse, c'est la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a révélé le Coran et al-hikmah aussi, qui est la sunna. Et il dit, ثم قال الإمام رحمه الله معلقا على هذا القول وهذا أشبه ما قال والله أعلم. Donc il a commenté sur ce qui a été dit et il a dit, ça c'est la chose qui est la plus apparente. والله أعلم. Il dit, ثم علل ذلك قائلا لأن القرآن ذكر وتبعته الحكمة وذكر الله وذكر الله منته على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هنا غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأنه افترض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتم على الناس اتباع أمره فلا يجوز أن يقال لقول فرد إلا لكتاب الله أو لقول فرد إلا لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى أن قال وذلك لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان بالله وسنة رسوله مبينة عن الله معنى ما أراد ثم قرن الحكمة بكتابه وأتبعها إياه ولم يجعل لأحد من خلقه غير رسوله عليه الصلاة والسلام. Donc il explique que le Coran a été mentionné suivi de la sagesse et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné sa grâce sur sa création par le fait qu'il leur a enseigné le livre et la sagesse. Donc il n'est pas possible, wallahu a'lam, de dire à propos de la sagesse ici que c'est autre chose que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle est reliée et rattachée au livre d'Allah. Et il a ordonné d'obéir à son messager, et de suivre. Il a ordonné aux hommes de le suivre. Donc il n'est pas permis de dire à propos de quelque chose que c'est obligatoire, excepté si c'est le livre d'Allah, puis ensuite la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce qu'ils disent par la suite que, lorsqu'on a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la foi en son messager, quelque chose qui est relié à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna de son messager vient clarifier à propos d'Allah ce qu'il dit par rapport à la signification de ce qu'il a voulu dire. Et donc ici la sagesse est reliée au livre et vient à la suite de celui-ci. Donc c'est la preuve que c'est la sunna, puisque Allah n'a pas ordonné à sa création de suivre autre chose que la sunna de son messager ou bien le messager lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça résume en fait que le terme hikmah, quand il est mentionné dans le Coran, il désigne la sagesse ici. Quand il est mentionné avec le Coran, le kitab, le livre, ça désigne la sunna. C'est la preuve que c'est une révélation, comme le Coran. Il dit, وَنَبْذَةٌ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مَكَانَةِ السُنَّةِ وَثُبُوتِ حُجَّتِهَا. C'est-à-dire, il va donner des exemples, des paroles des ulama qui montrent le statut de la sunna et l'authenticité et la confirmation de son du fait que c'est une preuve et que c'est un argument dans la charia. Il dit, وقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي عدة نقول في هذا الصدد نختار منها الآتي. قال الإمام الشافعي رحمه الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه أحدها ما أنزل الله فيه نص كتاب فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل نص الكتاب والثاني ما أنزل فيه جملة كتاب ما أنزل فيه جملة كتاب فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله معنى ما أراد بالجملة يعني وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا وكيف أراد أن يأتي به العباد. والثاني ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب. أي نعم. فمنهم من قال جعله الله له بما افترض من طاعته وسبق علمه من توفيقه له ورضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، يعني في الكتاب كتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما صن في البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله تعالى ذكره قال يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين في الصلاة. On va traduire ça, après on va continuer avec l'explication, la lecture du reste. Il dit que l'imam al-Shafi a rapporté plusieurs citations de la part de l'imam. L'imam al-Bayhaqi a cité des paroles de l'imam al-Shafi à propos de qu'est-ce qu'on a mentionné. Et l'imam al-Shafi, il dit que la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle vient de trois façons. Et ça, on en a parlé un peu au début du livre. C'est que dans la sunna, on trouve ce qui est révélé et qu'il y a des choses qui sont mentionnées à ce sujet-là dans le Coran aussi. Comme par exemple, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il fait quelque chose qui explique et qui est comme l'exemple du texte du Coran. C'est-à-dire, Allah, il mentionne quelque chose dans le Coran et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le met en application et il l'ordonne dans sa sunna. Un autre exemple, qu'est-ce qui a été révélé dans le livre de façon générale, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient l'expliquer dans sa signification spécifique. Il vient donner plus de détails et plus de clarifications dans la façon de l'appliquer. Et comment Allah veut que cette action-là soit mise en pratique. Et le troisième exemple, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait qui n'est pas du tout dans le Coran. Ou qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas du tout dans le Coran. C'est-à-dire, ça n'a pas été mentionné dans le Coran, seulement dans la Sunna. Et le cheikh, il explique qu'à ce sujet-là, il y a différentes explications qui ont été données de la part des ulama. Certains ont dit que c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'obéir aux messagers. Donc si tu obéis aux messagers dans ces choses-là, eh bien, ça fait partie donc de qu'est-ce que Allah a ordonné, puisque Allah a ordonné de lui obéir. Et si il l'a fait, donc c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a agréé et lui a donné son succès, même s'il n'y a pas de texte dans le Coran à ce sujet-là. D'autres ont dit il n'y a rien dans la sunna excepté qu'elle a un fondement dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu clarifier, comme le nombre des salawat. Comme par exemple le fait qu'il est venu expliquer les détails par rapport au nombre des prières, puis comment les faire et ainsi de suite. Les exemples aussi de qu'est-ce qui est légiféré par rapport au commerce et d'autres parmi les règles de la charia. C'est des règles qui sont générales, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu les clarifier en détail. Et il mentionne des versets à ce sujet-là qui mentionnent par exemple que Allah, il dit ce qui signifie « Ô les croyants, ne mangez pas vos biens les uns les autres de façon illicite ou de façon injuste, excepté que ce soit un commerce que vous faites et que vous êtes satisfait, que vous êtes satisfait de cet échange commercial lorsque vous le faites. » C'est le verset 29 dans Surat An-Nisa et le verset 275 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Baqarah « Et il vous a rendu halal le commerce et il vous a interdit l'intérêt. » Donc, il nous a expliqué ce que Allah a rendu halal et ce qui est rendu haram, comme pour la salat dans le commerce, et comme pour la salat, il y a des détails qui sont mentionnés dans la sunna à ce sujet-là. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بَلْ جَاءَتْهُ بِهِ رِسَالَةُ اللَّهِ فَأَثْبَتَتْ سُنَّتُهُ بِفَرْضِ اللَّهِ تَعَالَى أو فَأُثْبِتَتْ سُنَّتُهُ بِفَرْضِ اللَّهِ. Donc il dit, d'autres qui mentionnent que c'est qu'est-ce qui a été mentionné dans le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et a été confirmé par la sunna ce que Allah a ordonné. Il dit parmi eux d'autres ont dit كل ما سن وسنته هي الحكمة التي ألقيت فيه فيه روعه من الله. انتهى كلام الشافعي. Donc d'autres ont dit c'est la sagesse en fait qui est mentionnée et qui a été donnée ou inspirée dans yani, l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Ça c'est la fin de la citation de l'imam al-Shafi'i. C'est pour expliquer comment certains ulama ont classifié les choses et comment ils ont expliqué ces choses-là. وقال الإمام الشافعي في موضع آخر كل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل اتباعه طاعته والعدول عنه اتباع والعدول عنه اتباعه يعني معصيته التي لا يعذر بها خلقا أو لم يعذر بها خلقا ولم يجعل له من اتباع سنن نبيه مخرجا. نعم. Donc il dit dans un autre endroit tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, Allah nous a ordonné de le suivre. Et il a fait de son suivi son obéissance. Et de se détourner de son suivi une désobéissance. Et il n'a excusé personne des créatures dans cela. C'est-à-dire personne n'est excusé de ne pas lui obéir et de contredire son ordre et son commandement. Et personne n'a d'issue de suivre la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala al-Bayhaqi bab ma amara Allah bihi min ta'ati rasulih alayhi salatu wa salam wa al-bayan an ta'atahu ta'atuhu thumma saqa al-ayat at-taliya qala Allah ta'ala inna alladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadu Allah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada alayhi Allah فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله إلى غير ذلك من الآيات البينات التي مضمونها أن طاعة رسوله هي طاعة له وأن معصيته معصية له. Donc le cheikh il mentionne que l'imam al-Bayhaqi il a mis un chapitre dans son livre qui s'intitule le chapitre de ce que Allah a ordonné de l'obéissance du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la clarification que de lui obéir représente en fait l'obéissance d'Allah. Obéir au messager, ça représente en réalité l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mentionné des versets à ce sujet-là dans le Coran. Parmi les versets qu'il a mentionnés, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et je pense que c'est dans Surat al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui te donne l'allégeance, c'est comme s'ils donnaient, ils ne font que donner l'allégeance à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Alors quiconque brise cette allégeance ou cet engagement, eh bien il ne fait que la briser contre lui-même. Et quiconque a respecté cet engagement qu'il a pris avec Allah, Allah va certes lui donner une grande récompense. Et il mentionne ensuite le verset 80 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. » Donc d'obéir au messager, c'est une obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup d'autres versets qui ont ce sens-là et qui ont la même signification et qui expliquent que l'obéissance du messager, c'est une obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala et que de désobéir au messager c'est de désobéir à Allah. ثم أورد البيهقي حديث أبي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه يقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أخرجه أبو داود والحاكم من حديث المقداد ابن معدي يكرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره. نعم. Donc le cheikh il dit, puis ensuite l'imam al-Bayhaqi il a cité un hadith rapporté selon Abi Rafi, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que je ne trouve pas l'un d'entre vous à côté ou bien allongé sur son sofa ou sur son divan, et qu'il dise, lorsque un de mes ordres lui parvient, parmi les choses que j'ai ordonnées ou que j'ai interdites, et il dit, je ne sais pas. Ce que j'ai trouvé dans le livre d'Allah, je l'ai suivi. Hein? En voulant dire, ceux qui disent, moi je suis juste le Coran, je ne suis pas qu'est-ce qui est dans la Sunna. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait averti contre ça. Et c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, et c'est rapporté selon Abi Rafi' et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. Le hadith 7172. Il dit ensuite, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك أن يقعد رجل على أريكته يتحدث بحديث فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وما حرم الرسول الله مثل ما حرم الله. Donc ici c'est un autre hadith. Hein, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, que peu s'en faut qu'un homme sera assis sur son sofa et qu'on lui mentionnera mon hadith, hein, ma parole, et il dira, entre moi et vous, il y a le livre d'Allah, ce qu'on y a trouvé de halal, nous l'avons rendu halal, et ce que nous y avons trouvé de haram, nous l'avons rendu haram. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à la suite de ça, certes, ce que le messager d'Allah a rendu haram, c'est la même chose que ce que Allah a rendu haram. Donc c'est pas une condition comme certains, par exemple, qui disent, oui mais c'est pas dans le Coran, donc c'est pas haram ou c'est pas wajib. Non, ça veut pas dire que c'est pas dans le Coran, que c'est pas haram ou que c'est pas wajib. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça, c'est le hadith qui est rapporté, celui-là, il est rapporté par Ibn Majah, Ahmad, selon également Al-Miqdad, et il a été authentifié également par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', le hadith 7186. ثم قال البيهقي وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه فوجب تصديقه فيما بعد. Donc il dit que l'imam al-Bayhaqi, il a dit après avoir cité ce hadith-là, que ça c'est l'information du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'après lui, il y aura des gens parmi les mubtadi'a qui vont réfuter ces hadiths, ou refuser ces hadiths, et il a ordonné, hein, de croire en lui par la suite, par rapport à ce qui va suivre. Donc c'est pour dire qu'il y aura des gens qui vont nier la sunna, et qui vont dire on se base juste sur le Coran. Et il y a une secte, je ne sais pas si vous les connaissez ou entendu parler d'eux, et je pense qu'il y en a même une des branches de cette secte ici à Québec, il y en a une à Montréal aussi, et il y en a un petit peu partout dans le monde, Allah al-Musta'an. Et c'est des gens qui à la base viennent de l'Inde, ils s'appellent les Ahmadiyya, on les appelle aussi les Qadianiyya. Ahmadiyya, Qadianiyya, c'est la même chose, c'est le même groupe. Et c'est des gens qui croient qu'il y a un prophète qui est venu dans les années 1800 à peu près. C'est en Inde, dans la ville de Qadian. Il s'appelait Mizra Ghulam Ahmad. Et c'est des gens donc qui croient que cet homme-là c'était un prophète. Donc il s'est déclaré prophète et ils le suivent. Et Allah al-Musta'an, ils rejettent la Sunna. Ils rejettent la Sunna et ils disent nous on suit que le Coran. Naam. Donc les ulama ont dit ça, ces gens-là ne sont pas musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Et c'est des koufars, même s'ils se disent musulmans. Parce qu'ils ne croient pas. Premièrement, ils croient qu'il y a un autre messager après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est koufre. Hein? Et ils disent également que, ils ne croient pas à la sunna ou ils rejettent la sunna, donc ça c'est koufre également. Le cheikh il dit ensuite, summa. يقول الإمام البيهقي في هذا الصدد ولولا ثبوت الحجة بالسنة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد تعليم من شهده أمر دينهم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. Le cheikh, l'imam al-Bayhaqi, il dit à propos de ce sujet-là, par rapport à justement le fait que يعني il faut suivre la sunna et que la sunna est une preuve dans la sharia, il dit si la sunna n'était pas une preuve authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit après sa khutba, après avoir enseigné à ceux qui étaient témoins au sujet des affaires de la religion, que ceux d'entre vous qui sont présents et qui sont témoins transmettent à ceux qui étaient absents. Parce que peut-être quelqu'un qui transmet, peut-être que quelqu'un à qui tu vas transmettre quelque chose va mieux comprendre que celui qui l'a entendu lui-même. Et ça arrive souvent. Des fois tu entends un hadith, tu le mémorises mais tu ne le comprends pas. Et puis après tu vas demander à un alim ou à un cheikh, un imam dans le hadith ou un alim, tu dis, cheikh, j'ai entendu tel hadith. Et je le connais pas, je comprends pas sa signification, et il te l'explique. Donc peut-être que la personne à qui tu transmets, ben, parfois elle comprend mieux que la personne qui l'a entendu elle-même. ثم أخرج البيهقي بسنده عن شبيب ابن أبي فضالة المكي أن عمران بن حسين رضي الله عنه ذكر الشفاعة فقال رجل من القوم يا أبا نجيد إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن فغضب عمران فقال للرجل قرأت القرآن كله قال نعم قال هل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا ووجدت المغرب ثلاثا والغداة ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا قال لا قال عمن أخذتم ذلك ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أوجدتم في القرآن من كل أربعين شاة في كل بعير كذا وفي كل درهم كذا إلى آخر ذلك الحوار الحاد الذي أفحم فيه الصحابي الجليل ذلك السائل الذي تجرأ فسأل ما ليس له فاستحق التوبيخ والتأديب وفي الوقت نفسه يدل على مدى ما يكنه سلفنا الصالح من تقديرهم للسنة النبوية والذود عنها ومحبتها وما من شك أن محبة سنته من محبته عليه الصلاة والسلام ومحبته من أسس الإيمان كما لا يخفى والمحبة الصادقة إنما تتمثل في الاهتمام بسنته علما وعملا وتقديرها والاحتجاج بها والذود عنها بكل سلاح ممكن ومتيسر ومتيسر. Donc le cheikh il mentionne un exemple ici, c'est très intéressant, très bénéfique. La parole que l'imam al-Bayhaqi a rapportée avec une chaîne de transmission, selon Shabib ibn Abi Fadal al-Makki, il dit que Imran ibn Hussein a mentionné des paroles au sujet de l'intercession. Les hadiths au sujet de l'intercession sont nombreux et sont authentiques dans le Bukhari et Muslim et dans d'autres parmi les Sunan. Donc c'est des hadiths, il n'y a pas de doute sur leur authenticité. Et il y a un homme qui était présent et qui a dit, « Oh Aba Najib, tu nous ramènes des hadiths, tu nous mentionnes des hadiths, on ne trouve pas des fondements à ces hadiths-là dans le Coran. » Alors Imran, il s'est mis en colère. Et il a dit à l'homme, « Est-ce que tu as lu le Coran en entier ?» Il a dit, « Oui. » Il a dit, « Est-ce que quand tu as lu le Coran, est-ce que tu as trouvé dedans que Salatul Isha a 4 rak'at ? Est-ce que tu as trouvé que le Maghrib a 3 rak'at ? Est-ce que tu as trouvé que le Fajr avait 2 rak'at et que le Zuhr et le Asr avaient 4 ?» Il a dit non. Il a dit, « Alors de qui avez-vous pris cela ? N'est-ce pas que vous l'avez pris de nous et que nous l'avons pris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Puis ensuite il lui a dit, « Avez-vous trouvé dans le Coran que vous devez donner pour chaque 40 un mouton ? Et pour chaque chameau, tel nombre de moutons, et ainsi de suite. Et pour chaque dirham, vous devez donner telle valeur, donc par rapport au montant de la zakat qu'on doit donner. » Et il a répondu non, et ainsi de suite. Et il lui a donné plein de questions comme ça pour lui montrer que il y a plein de détails dans l'islam qui viennent de la sunna, qui ne sont pas mentionnés dans le Coran. D'où est-ce que vous les avez pris ? Vous les avez pris de la sunna. Donc, comment maintenant vous pouvez me dire ou pas accepter quelque chose qui vient de la sunna sous prétexte que ce n'est pas dans le Coran ? Hein? Alors que dans le Coran, on trouve même des mentions de la shafa'a. Donc c'est la preuve que cette personne-là n'avait pas compris correctement, hein, les hadiths et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran à ce sujet-là. Mais le cheikh Mohamed Aman, hafidhahullah, il dit, et il ne cite pas le discours ou l'échange entier. Il fait juste résumer qu'est-ce qui a été échangé. Puis il dit que c'est de cette façon que le sahabi a grillé, hein, et a réfuté cette personne qui a osé demander à propos de ceux qui n'étaient pas de son droit. Et il a mérité, à cause de cette question, le blâme, hein, et d'être éduqué. Et en même temps, tu vois à quel point les salafs, as-salih, les pieux prédécesseurs, avaient en eux-mêmes ce respect pour la sunna, et ce désir de vouloir la défendre, et l'amour qu'ils avaient pour elle. Et il dit, il n'y a pas de doute que d'aimer la sunna fait partie d'aimer le messager. Aimer la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie d'aimer le messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est, hein, l'amour du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des fondements de la foi. Comme cela n'échappe à personne, tout le monde est au courant de ça. Et l'amour doit être sincère. Et cela ne peut être exprimé et mis en exemple que si on donne de l'importance à sa sunna dans l'exemple, dans la pratique et dans la science et dans le respect et dans le fait de l'utiliser comme preuve, hein, et de la défendre avec toutes les armes possibles et qui sont facilitées. Ensuite, le cheikh il dit, « Makanatu sunna inda al-khulafa al-rashidin ». C'était quoi le statut de la sunna chez les pieux prédécesseurs parmi les successeur bien guidé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum. Donc il dit le cheikh, As-sunnatu an-nabawiyya ba'da thubutiha wa sihhatiha tatamatta'u 'inda al-muslimina qadiman wa hadithan bima yatamatta' bihi al-Qur'an min haythu wujub al-'amal biha war-ruju' ilayha 'inda at-tanazu' wa tarku ar-ra'y min ajliha. Falnastami' qawla 'Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi hadha al-ma'na إذ خرج البيهقي بسنده عن عمر رضي الله عنه قوله وهو على المنبر يا أيها الناس إنما الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله تعالى كان يريه وإنما هو ما ظن إنما وإنما هو منا الظن والتكلف ولهذا نرى عمر رجاعا في كل ما يبلغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة ما ونازلة عملية جديدة لا علم له فيها بسنة ثابتة إذا ثبتت السنة بادر دون أدنى توقف إلى العمل بالسنة والرجوع إليها. Donc le cheikh il dit que la sunna, après avoir compris son authenticité et qu'elle est authentique, hein, eh bien, dans le passé comme dans le temps présent, elle a le même droit et le même obligation d'être mise en application comme le Coran. Et on doit y retourner comme on retourne au Coran dans les questions de divergence ou dans les problèmes. Et abandonner notre opinion à cause de la sunna lorsque on réalise que notre opinion elle contredit la sunna. Et on va donner l'exemple de la parole de Omar ibn al-Khattab à ce sujet-là. C'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi avec une chaîne authentique selon Omar radiyallahu anhu lorsqu'il était sur le minbar et il dit oh vous les hommes, l'opinion elle n'était que vraie lorsque c'était l'opinion du messager sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que notre opinion à nous, eh bien, ce n'est qu'une supposition ou bien une possibilité, hein, mais c'est quelque chose qu'on se met une charge sur le dos, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. On peut avoir une opinion qui est correcte et une opinion qui est incorrecte. Tandis que le messager d'Allah, son opinion ne peut être que correcte parce qu'il parle de ce que Allah lui a montré. Et donc, il dit, c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il revenait toujours à la vérité dans ce qu'il transmettait, dans ce qu'il disait. Lorsque on lui ramenait un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos d'un événement ou d'une situation nouvelle et qu'il n'avait pas de connaissance de la sunna authentique au sujet de la question, eh bien, il prenait une position, et lorsqu'on lui ramenait la sunna authentique par la suite, qui clarifie le verdict de la question, il laissait tomber son opinion personnelle et il revenait immédiatement à l'application de la sunna. Et il revenait tout de suite à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Wa min al-shawahid, min shawahidi ma dhakarna, ma yarwihi ibn al-musayyib, anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي فرجع إليه عمر أخرجه أبو داود ومنها ما أخرجه البيهقي عن طاووس أن عمر قال أذكر الله أي نعم أذكر الله امرأ امرؤ أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الجنين فقال حمل ابن مالك ابن النابغة قال جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. Donc ça c'est des exemples que يعني, il mentionne un exemple que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu à l'époque il demandait quand il y avait quelque chose de nouveau يعني, si les sahabas savaient quelque chose à ce sujet, parce que c'était lui le khalifa après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Omar, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était Abu Bakr, puis après Abu Bakr c'était Omar radiallahu anhu, et Omar quand il y avait une question radiallahu anhu il rassemblait les sahabas puis leur disait: est-ce que vous avez entendu un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos de tel ou tel sujet? Un sujet, par exemple, que lui, il ne connaissait pas de preuve à ce sujet-là. Donc, il demandait aux autres sahaba. Et si on lui ramenait un hadith, il l'acceptait. Et l'exemple de Ad-Diyah. Hein? Ad-Diyah, c'est le prix du sang. Hein? Lorsque quelqu'un a été tué, soit accidentellement, ou bien de façon préméditée, dans l'islam, on doit payer le sang. On doit payer le sang de la personne. Alors, il demande: est-ce que vous avez entendu yani, quelque chose à propos de ça? Lui il disait Ad-Diyah lil-Aqila, en voulant dire les proches des héritiers de la personne qui a été tuée ou qui est morte, c'est eux seulement qui prennent le prix de ça. Et la femme elle prend rien de ça. Hein? Elle prend pas de la diya de son mari. Et Ad-Dahhak ibn Sufyan lui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a mentionné quelque chose à ce sujet-là, que la femme prenait de la diya de son mari. Et il a donné l'exemple de la femme de Ashyam al-Dababi. Alors, Omar est revenu à cette position-là, quand il a su la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud. Et il mentionne également un autre hadith dans lequel il a demandé: est-ce que quelqu'un a entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui a été dit au sujet du fœtus? Et il a mentionné, quelqu'un lui a mentionné, c'était Haml ibn Malik al-Nabira, il a mentionné quelque chose à ce sujet-là, qu'on devait donner al-gharra, donc en voulant dire yani, si c'est par rapport au fait que le fœtus est mort dans le ventre de sa mère à cause d'un accident ou quelqu'un qui a fait quelque chose à une femme, puis son fœtus est mort à cause de ça, est-ce qu'il y a une dîya à payer ou quelque chose à payer pour ça? Et il a mentionné un hukum, mais lui il ne connaissait pas. Alors il a dit: si je n'avais pas entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais jugé par un autre jugement, c'est-à-dire un jugement différent. Mais étant donné que yani, on a ce jugement-là, donc c'est-à-dire que on va pas juger par notre opinion alors qu'on a la preuve qui vient de la sunna à ce sujet. Et le cheikh il a pas mentionné l'exemple de Abu Bakr Mais c'est un bon exemple, ça aussi. L'exemple, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui refusaient de payer la zakat, qui avaient refusé de payer la zakat. Alors, par exemple, yani, Abu Bakr a dit, je vais les combattre, parce qu'ils ont refusé de donner la zakat. Alors, Omar ibn al-Khattab a dit, est-ce que tu vas combattre des gens qui ont dit, la ilaha illallah, hein, Muhammad Rasulullah, tu vas les combattre malgré tout? Alors, Omar n'était pas d'accord. Hein. Il disait, mais non, on ne peut pas les combattre. Ils ont dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ce sont des musulmans. Alors, yani, Abu Bakr a dit, yani, même s'ils refusent de donner une corde avec laquelle ils attachent les chameaux, hein, qu'ils donnaient au messager d'Allah, ils refusent de le donner maintenant, je vais les combattre pour ça seulement. Et il a dit, وَلَأُقَاتِلَنَّ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Je vais combattre celui qui distingue entre la salat et la zakat. Et après, Omar ibn al-Khattab a dit, quand j'ai vu la fermeté et la détermination de Abu Bakr à les combattre, il dit, j'ai su que c'était Allah qui avait ouvert sa poitrine à la vérité, alors j'ai su que c'était la vérité. Et il l'a suivi. Donc c'est pour dire, yani, que quand il voyait la sunna, il revenait. Et il mentionne, pour prouver son point, des preuves de la sunna. Ils n'ont pas mentionné des preuves du Coran dans ces questions-là. Ils mentionnent que des preuves de la sunna et ça leur suffisait. Hein? Et on voit l'exemple de ce hadith-là. Il dit, parce que le Abu Bakr, il a cité le hadith, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Il a dit dans le hadith que j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah et qu'ils donnent la salat, qu'ils fassent les salawat et qu'ils donnent la zakat. Lorsqu'ils auront fait ça, ils seront protégés dans leur bien et dans leur sein contre moi, excepté pour un des droits de l'islam, et leur jugement revient à Allah par la suite. Et le prof, Abu Bakr a dit, donc la zakat est un des droits d'Allah. Et ça veut dire qu'ils méritent d'être combattus s'ils ne l'ont pas payé. Donc c'est pour dire qu'il se référait à la sunna comme il se référait au Coran. Et que pour eux c'était une preuve valable. يقول الإمام الشافعي وهو يعلق على هذه الأخبار وموقف عمر بن عمر من السنة قد رجع عمر عما كان يقضي فيه لحديث الضحك بن سفيان فخالف حكم نفسه وفي الجنين قال في الجنين إنه لو لم يسمع هذه السنة لقضى فيه بغيرها وقال إن كدنا نقضي فيه برأينا ومنها ما أخرجه الشيخان من طريق ابن الشهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء صرغة يعني بلغه الوباء وقد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا فرجع عمر من سرغ. Il mentionne, l'imam al-Shafi'i, il mentionne à propos de ces exemples de la parole de Omar, à propos de sa position par rapport à la sunna. Il dit que Omar, il est revenu de ce qu'il jugeait, de son propre jugement. Il a laissé son propre jugement pour poursuivre la sunna à cause du hadith de Dhahak ibn Sufyan. Et à propos du fœtus, la même chose. Et il dit qu'il y a aussi l'exemple d'un hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Shihab. Il dit que Omar est sorti pour aller jusqu'en Syrie. Arrivé dans un endroit qui s'appelle Sarra, on lui a dit qu'il y avait une maladie dans cette région, comme une épidémie, qu'est-ce qu'on appelle la peste ou des choses de ce genre. Hein? Al-Waba, c'est des maladies comme une maladie contagieuse qui est comme une épidémie là, qui tue beaucoup de monde. Alors Abdurrahman ibn Auf lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous entendez qu'il y a ça dans une terre ou dans un pays, alors n'y entrez pas. Et si vous êtes dans cet endroit-là, alors que vous entendez qu'il y a ça, ne sortez pas pour vous enfuir. C'est-à-dire, si vous voulez y entrer et vous entendez qu'il y a ça, n'y entrez pas. Et si vous êtes dedans et qu'il y a une épidémie ou ce genre de choses, alors ne sortez pas pour vous enfuir. Et quand il a entendu ça, il n'est pas rentré, il est revenu. Omar ibn Khattab. Donc c'est pour dire, pour... et en même temps on voit la sagesse de la sunna dans ça. Parce que si tu rentres dans l'endroit où il y a l'épidémie, ben, tu risques toi-même d'être affecté. Et tu vas, yani, peut-être te mettre ta vie en danger. Hein, c'est comme par exemple Ebola, quand il y a eu le virus d'Ebola il n'y a pas longtemps, c'est la même chose. Tu ne dois pas y aller. Mais si tu es là-bas et que ça commence, tu ne vas pas t'enfuir. Parce que sinon tu vas prendre le virus, tu vas l'amener ailleurs, ça va propager encore plus. Hein? Donc, il faut regarder l'exemple et la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dedans. Donc, il est revenu, il n'est pas rentré dans Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a entendu ça, il est revenu. Wa qala ibn Shihab wa akhbarani Salim ibn Abdullah ibn Umar anna Umar innama insarafa bin nas min hadithi Abdurrahman ibn Auf. Donc, imaginez, Abdurrahman ibn Auf lui a juste mentionné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu. Il n'a pas cité un verset dans le Coran, il n'a pas cité, juste le hadith, juste la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça suffisait. Et à l'époque, les hadiths, ils n'étaient pas dans les recueils encore. Hein? Les hadiths, c'était dans la mémoire des sahaba. Hein? Mais ça suffisait. Pour eux, c'était une preuve. C'était un os. Hein? C'était un délire. Tu leur citais ce hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khalas. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'argumentation. Le débat est fini et clos. La question est finie. On a mentionné la sunna, ça suffit. Même si ce n'est pas mentionné dans le Coran, yani c'est une preuve. ومنها ما أخرجه البيحقي أي نعم في صحيحه لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. Il dit ici que l'exemple de dans Al-Bukhari que Omar il a pris il prenait pas la jizya des Majus. Puis après Abdurrahman ibn Auf lui a mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait pris des Majus, alors lui il l'a pris par la suite. C'est pour dire que il se référait à la sunna pour savoir comment agir dans des situations où il y avait pas de preuves dans le Coran, il se référait à la Sunna. وهذا بعدما بعد ما أثر أثر عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وله مواقف أخرى كثيرة ومماثلة وهو موقف كل صحابي من الخلفاء الراشدين وغيرهم. وهناك بعض مواقف الجليلة الخليفة الأول أبي بكر. أي نعم. Donc il dit عن قبيصة ابن ذؤيب ذؤيب نعم وقال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لتسأل عن ميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة نبي الله شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال له المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس أو حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد ابن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قاله فأنفذه لها أبو بكر. Une femme est venue voir Abu Bakr, une grand-mère, personne âgée, est venue voir Abu Bakr à l'époque de son khilafa. Elle lui demande, est-ce que j'ai un héritage? Alors Abu Bakr dit, dans le livre d'Allah, je ne vois rien pour toi dans l'héritage. Et je ne connais pas dans la sunna, yani, d'héritage pour toi. Il dit, reviens pour que je demande aux gens. Alors il a demandé aux gens. Et il y a Al-Mughira ibn Shu'bah qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le sixième. un sixième de l'héritage. Alors Abu Bakr a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi qui témoigne de ça, de ce hadith? Il a dit, oui, il y a Muhammad ibn Maslama qui a mentionné la même chose. Alors il l'a exécuté, c'est-à-dire il a mis en exécution ce verdict-là à propos de يعني, l'héritage pour la grand-mère. وهكذا نتبين من هذا الاستعراض السريع لنصوص أهل العلم مواقفهم في مختلف العصور تلك النصوص التي يصعب إحصاؤها ونتبين أن الأمة ما زالت ولا تزال متفقة على أن السنة النبوية يجب أن يكون لها مقام معلوم في بيان الأحكام وأنها حجة قائمة بنفسها وأنه يجب الرجوع إليها إذ لم يرد بها الكتاب وهذه من ناحية ومن ناحية أخرى أنها بيان للقرآن وتفسير له ومفصلة لما أجمل فيه وهذه المعاني كلها يعني محل إجماع عند من يعتد بأقوالهم ولا نعلم أحدا شذ عن هذه القاعدة إلا الزنادقة وغلاة الرافضة الذين لا يتأثر بالإجماع بمخالفة لا يتأثر الإجماع بمخالفتهم. Donc le cheikh il explique que après donc cette énoncé de différents textes des paroles des ulama et de leur position à travers les siècles, on voit avec ces textes qui sont très nombreux en fait que la Ummah a toujours considéré la Sunna comme étant une source de législation pour clarifier les règles et que c'est une preuve qui se tient par elle-même et qu'il est obligatoire d'y revenir et que ça c'est un verdict qui est vrai même si ce verdict-là n'est pas dans le livre d'Allah. Ça c'est d'un point de vue. D'un autre côté, يعني, on voit que la sunna elle clarifie le Coran et c'est une interprétation du Coran et elle détaille ce qui a été expliqué de façon générale, pas non détaillée, elle le détaille. Et toutes ces significations là sont mentionnées et il y a un consensus des savants à ce sujet là, excepté pour les gens de l'égarement qui ont des positions singulières sur ça et qui ont dévié parmi les hérétiques et parmi les rafidas extrémistes, parmi les égarés. Et même s'ils divergent ces gens-là, le consensus n'est pas affecté. C'est-à-dire le consensus est toujours fermé, est toujours yani, établi, malgré qu'eux ont divergé, parce que c'est des gens dont la divergence n'affecte pas les jma'a. Si par exemple on dit par exemple les rafidas ils ont divergé dans cette question, on va pas dire ah mais il y a pas de consensus sur ce sujet là. Pourquoi? Parce que leur divergence elle ne change rien puisqu'ils sont pas calculés dans les divergences. C'est déjà de l'égarement, c'est déjà de l'hérésie. C'est comme si par exemple on dit les chrétiens ont divergé sur l'unicité d'Allah. Est-ce qu'on va tenir compte de leur divergence parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous sur le tawhid, on va dire qu'il y a une divergence sur le tawhid? Non. Parce que leur divergence n'est pas calculée, puisque c'est des gens, c'est des kuffars, yani, de toute façon. Et les rafidas, c'est la même chose. Donc, on ne tient pas compte de leur divergence. Même s'ils rendent halal ce qui est haram, ou rendent haram ce qui est halal, on ne tient pas en considération de ça, parce que c'est des kuffars. Ce n'est pas des musulmans. Naam. Bal, la yustasharoun. إن حضروا ولا يسأل عنهم إذا غابوا. C'est-à-dire s'ils sont là, on va pas leur demander يعني leur opinion ou leur conseil, on va pas les consulter. Et s'ils sont absents, on va pas demander qu'est-ce qu'ils pensent. لأنهم فارقوا جماعة المسلمين ونابذوهم واتبعوا غير سبيل المؤمنين بموافقة العدائية لأصحاب رسول الله. Parce que c'est des gens qui ont suivi autre que la voie des croyants et qui ont repoussé les croyants et qui ont une position de haine et d'animosité envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وذلك الموقف الذي ادى الى رد احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بدعوى انها روايه قوم كافرين. يعني سبحان الله لرافضه par exemple, vous avez parmi certains des frères musulmans, les ikhwan, ils disent les Shi'as sont un madhab, un cinquième madhab dans l'islam, c'est le madhab des Ja'fari. Et ils disent, oui, c'est correct d'étudier le madhab Ja'fari, même que eux en Égypte, là, ils l'enseignaient, là, il n'y a pas longtemps. Et parmi les premiers qui ont été, les gens qui ont propagé cette idée-là, c'est les Ikhwan, Hassan al-Banna et ses successeurs, qui ont appelé au rapprochement, soi-disant, entre les Shi'as et Ahl-Sunnah. Et la réalité à ce sujet, bon, c'est que yani, ces gens-là, les Shi'as, Rafida, et je spécifie en disant les Rafida, eh bien, cette catégorie de Shi'as ne sont pas musulmans. Parce que, bien simple, yani, c'est bien simple en réalité, le Coran auquel on croit, eux, ils n'y croient pas. Eux, ils disent qu'il y a un autre mushaf qui va arriver avec l'imam Mahdi à la fin des temps, c'est le mushaf Fatima. Et ils disent que c'est un différent Coran que celui que les musulmans possèdent. Et ils disent que la sunna, ils ne peuvent pas l'accepter parce qu'elle est transmise par des kuffars. Parce que pour eux, les sahabas ne sont pas musulmans. Donc, ils ne vont pas accepter des hadiths qui sont rapportés par des gens que eux considèrent kuffar. Donc c'est pour ça que, regardez les hadiths des Rafida. C'est pas les hadiths d'Ahl Sunnah. Ils croient pas Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, hein, la Musnad de l'Imam Ahmad, hein, Al-Muwatta de l'Imam Malik. Eux, ils croient pas en ça, les Rafida. Eux, ils ont leur propre livre de hadiths. Et dans leur livre de hadiths, Une des grandes différences avec les livres d'Ahl Sunnah, c'est que les livres d'Ahl Sunnah, les hadiths d'Ahl Sunnah sont transmis avec des chaînes de transmission, hein, des asanid. Tandis que les hadiths des Rafida, c'est seulement les paroles de leurs imams, ceux qu'ils appellent des imams, les descendants soi-disant de Ahlul Bayt. Mais en même temps, il n'y a pas de chaîne de transmission, donc il n'y a aucun moyen de vérifier ou de savoir l'authenticité de ces paroles-là. Allah al-Musta'an. Et la plupart, c'est des mensonges. La plupart de ces paroles attribuées à leurs imams ne sont même pas les paroles de leurs imams pour de vrai. Hein? Donc, c'est des livres. Par exemple, ils ont inventé des livres de critiques des narrateurs, Allah al-Musta'an. Quand tu vois qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux narrateurs à propos des sahaba et des tabi'in, les ulama al-hadith, tous les narrateurs d'Ahl al-Sunnah sont des kuffars pour eux. Hein? Ils ne prennent pas des hadiths d'Ahl al-Sunnah. Ils prennent uniquement de qu'est-ce qui vient de leur livre à eux. Donc ils ne croient pas en la sunnah, ces gens-là. Ils rejettent la sunnah, carrément. Donc c'est pour ça que ces gens, ils ont une autre religion. Et ce n'est pas vrai de dire qu'ils suivent le madhab Ja'fari. Ja'far n'a rien à voir avec eux, et eux n'ont rien à voir avec Ja'far. Ja'far al-Sadiq. Hein? Celui qu'on appelle Ja'far al-Sadiq. Puisque Ja'far al-Sadiq, c'était un sunni. C'était pas un chi'i. Hein? Et la même chose qu'Ali, radiyallahu anhu, et Al-Hassan al-Hussein, c'était pas des chi'as, c'était des sunnis. Ils suivaient l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils aimaient les sahaba. Ils suivaient les sahaba, ils suivaient pas autre chose. Donc c'est les rafida, c'est des kazzaboun, sont connus comme étant des menteurs à travers leur histoire. Donc, il dit le cheikh, il lance de la poussière aux yeux. Il dit ونحن نعمل قالوا نحن نعمل بالقرآن ونقتصر عليه وهذا كلام لا ينطلي على أولي النهى من طلاب العلم وأهل الإيمان والله الموفق. Donc ils disent nous on se limite juste au Coran, on ne prend pas rien d'autre. Et les Shi'a, qu'est-ce qui est incroyable, c'est que même avec le Coran seulement, sans utiliser la Sunna, tu peux les réfuter facilement. Parce qu'il y a plein de preuves dans le Coran qui les réfutent à propos des Sahaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la thèse qu'il y a des Sahaba dans le Coran. Et à propos de plein de sujets. Quand il ramène des choses, tu vois que dans le Coran, il y a la réfutation de ces choses-là. Donc, Allah musta'an. Après, le cheikh il dit وَلَا بُدَّ مِنَ الرُّجُعِ إِلَى السُّنَّةِ لِفَهْمِ عَدِيدٍ مِنَ الْأَحْكَامِ. Donc, il dit il faut absolument se référer à la Sunna pour comprendre des règles de la religion. Et là, je vais passer vite sur plusieurs points. Le cheikh, il détaille parfois des choses, mais je vais aller un peu plus rapidement juste pour essayer de couvrir le plus possible d'exemples. Donc, le cheikh, il explique que dans... Tu regardes, par exemple, dans la sunna, tu vois que tu ne peux pas savoir comment mettre en application des règles qui sont mentionnées dans le Coran sans retourner à la sunna. C'est impossible. Par exemple, les règles de la purification. Tu ne peux pas savoir comment faire le wudu en détail, comment faire le rusul en détail. Tout ça, ce n'est pas expliqué dans la sunna, dans le Coran. C'est seulement dans la sunna que c'est expliqué. Après, il mentionne les versets, le cheikh, qui parle du wudu, et il mentionne les détails, comment des choses qui viennent de la sunna qui ne sont pas mentionnées. À propos du tayammum, la même chose. Des choses qui ne sont pas mentionnées dans le Coran, des détails de ces questions-là. La salat. Hein? Allah il dit dans le Coran, aqimus salat. Mais est-ce qu'il donne les détails comment faire la salat? Combien de rak'ah dans chaque salat? Combien de sujoud? Combien de recours? Et ainsi de suite. Il ne détaille pas là-dessus. Hein? Donc, il y a plein d'exemples comme ça à propos de la salat. Donc, quelqu'un qui dit, moi je ne prends pas de la sunna, je prends juste du Coran. Tu lui dis, comment tu vas faire pour faire la salat? Tu ne peux pas faire la salat sans la sunna. Ce n'est pas possible. La même chose pour la zakat. On a donné des exemples tout à l'heure. Pour le jeûne, c'est la même chose. Tu ne peux pas faire le jeûne et savoir les détails du jeûne, des règles du jeûne, si tu ne prends pas de la sunna. Il dit, منها حكم من وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم ما الذي عليه؟ Celui qui a eu des rapports intimes avec sa femme pendant le jour dans le Ramadan, c'est quoi le verdict? Tu peux pas savoir ça si tu crois pas à la sunna. ومن أكل وشرب ناسيا في نهار رمضان ماذا يفعل؟ Celui qui mange ou qui boit pendant le jour dans le Ramadan par oubli, il a oublié qu'il jeûnait, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas écrit dans le Coran. Et plein d'autres exemples comme ça. Hein? À propos du Hajj, ça tu peux donner plein d'exemples. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui. C'est-à-dire, les règles du Hajj sont expliquées de façon générale dans le Coran. Mais tous les détails de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pendant le Hajj, tous ces détails-là sont dans la Sunna seulement. La même chose à propos du commerce. Hein? Il y a beaucoup d'éléments du commerce, on a uniquement connu dans la Sunna. Hein? La même chose pour les peines de la charia. Qu'est-ce qui a été légiféré par rapport aux règles, par rapport aux règles de l'application de ces peines pour le voleur, pour celui qui fait l'adultère, pour celui qui et ainsi de suite. Tout ça c'est détaillé. Donc ça c'est un passage qu'on a sauté. Bon, on n'a pas détaillé là-dessus, mais de toute façon vous comprenez le point. Vous comprenez l'exemple. Donc, même si on ne détaille pas sur chacun de ces exemples, vous êtes capable de comprendre. Et donc, on est arrivé à la troisième partie que je voulais faire, celle que je voulais faire en dernier. Je pense qu'on a le temps, Inch'Allah, de compléter une bonne partie de la troisième partie qui va nous donner une compréhension bien claire de qu'est-ce que le cheikh il veut expliquer maintenant. Man hum a'da us-sunnah, c'est-à-dire qui sont les ennemis de la sunna. D'accord? Et tout à l'heure on parlait, il y a un frère qui posait la question par rapport à la salafia et il demandait est-ce qu'il faut c'est-à-dire pourquoi on va se dire salafi? Si on se dit salafi, c'est comme si on fait une division, on fait une nomination. Et puis c'est pas bon de le dire parce que sinon ça va être la même chose que ceux qui se disent soufis ou ceux qui se disent autre chose. Donc il faut pas dire selon lui qu'on est salafi. Et se dire salafi c'est la même chose que se dire sunni, c'est la même chose. Et Allah il nous ordonne de suivre la sunna dans le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de suivre sa sunna aussi. Donc si tu te dis sunni, le ya à la fin dans sunni, c'est ya unisba. Ça veut dire que tu appartiens à ceux qui suivent et qui s'accrochent et qui s'attachent à la sunna. Et linguistiquement, il n'y a rien de faux là-dedans. Et là, il y a une référence dans les textes du Coran et de la sunna sur le fait que nous devons être sunni. Okay? Et salafi, c'est la même chose. Salafi, ça se réfère au salaf. Et salaf, ça veut dire ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, ceux qui étaient là avant nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَجْعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Dans surat Az-Zukhruf, فجعلناهم سلفا, en parlant de Pharaon et de son peuple. Hein? Nous en avons fait un salaf et un exemple. ومثل للآخرين. Donc salaf, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui t'ont précédé, qui étaient là avant toi. Hein? Dans le sens linguistique, quand tu dis salaf, ça peut être des bons salafs, ça peut être des mauvais salafs. Comme le peuple de Pharaon, avec Pharaon et des choses comme ça. Ou bien tu peux avoir des bons salafs si c'est quelqu'un qui a été un bon exemple pour toi dans tes ancêtres ou dans ceux qui t'ont précédé. D'accord? Et quand on parle du sens linguistique, par exemple du sens religieux du terme salaf, et des salafis, quand on dit salafi, salafiyoun, salafiyya, on parle de nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in, et les tabi'in en premier. Pourquoi on parle de ceux-là en particulier avant tout? C'est parce que c'est ceux-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith. Hein, il a dit khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. C'est-à-dire la meilleure génération, c'est la mienne. Puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc les trois premières générations. Et c'est pour ça que les ulama disent yani que les salafs, ce sont les sahaba en premier. Et Allah, dans le Coran, il mentionne à leur sujet qu'il est satisfait d'eux et qu'eux sont satisfaits de lui. Et il n'y a personne dans cette umma à propos de qui Allah a dit qu'il est satisfait d'eux, excepté les sahaba. Donc, toi, tu ne peux pas avoir l'agrément d'Allah et la satisfaction d'Allah, excepté si toi, tu suis ceux qu'ils ont suivis. Dans leur aqidah, dans leur manhaj, dans leur compréhension, dans leur suivi. Si tu penses ou tu t'imagines que tu peux avoir l'agrément d'Allah et ne pas les suivre ou suivre une voie qui est différente de celle qu'ils suivaient, ça veut dire que tu es dans l'égarement. Parce que ça veut dire que tu penses que tu peux être meilleur qu'eux et ramener quelque chose qui était meilleur que ceux qu'ils ont suivi. Et ça c'est batil, totalement. Donc les seuls qui peuvent avoir l'agrément d'Allah, c'est les sahaba et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit as-sabiquna al-awwalun, verset 100 dans sourate Tawbah, as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان. C'est-à-dire يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc de qui Allah est satisfait? Des sabiquna al-awwalun, c'est les sahaba, les muhajirin et les ansar, et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, de la façon la plus parfaite. Hein? Donc c'est qui est-ce qui rentre dans ça? C'est التابعون, c'est-à-dire les élèves des sahaba, ou tabi' al-tabi'in, les élèves des élèves des sahaba, c'est les trois premières générations. Hein? Puis ceux qui par la suite, après ces trois premières générations là, ceux qui continuent à les suivre dans le bien et qui ont la même aqida qu'eux et le même manhaj qu'eux par la suite. Et ça c'est quelque chose, est-ce que c'est recommandé ou c'est obligatoire? C'est obligatoire de les suivre. Parce que si tu veux l'agrément d'Allah, est-ce que d'avoir l'agrément d'Allah c'est quelque chose qui est recommandé ou obligatoire? C'est obligatoire. Et Allah il dit dans un autre verset, يعني ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. C'est-à-dire quiconque fait scission, il se sépare, s'oppose, hein, du messager après que la guidance lui a été clarifiée et qu'il suit autre que la voie des croyants. Les croyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? Est-ce qu'il y a d'autres croyants autres que les sahaba à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas de croyants autres que les sahaba à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout le reste de la terre, l'humanité tout entière, sont des kuffars, excepté les sahaba. Donc, sabil al-mu'minin, la voie des croyants, c'est la voie des sahaba. Donc, Allah, il dit dans le Coran, quiconque fait scission avec le messager après que la guidance lui a été clarifiée et suit autre que la voie des croyants, c'est-à-dire autre que la voie des sahaba, nu'allihi ma tawalla, On le laisse se détourner comme il s'est détourné. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ Et on le brûle dans l'enfer. وَسَأَتْ مَصِيرًا Donc ça veut dire que si tu ne suis pas l'exemple de la voie des croyants, Allah te brûle dans l'enfer. Et il te laisse te détourner comme tu t'es détourné. Donc ça veut dire que de suivre la voie des croyants, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé, c'est quelque chose qui est obligatoire. Sans oublier le hadith des 73 sectes qui dit que le groupe sauvé, c'est celui qui suit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam suivait, ainsi que ses compagnons. Donc, encore une fois, il mentionne de suivre l'exemple de ses compagnons. Ce sont eux les salafs. Et dans l'autre hadith de Al-Irbad ibn Sariya, il dit « فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ » Ça veut dire, ceux qui vivront après moi verront beaucoup de divergences, alors suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Donc, est-ce que ça c'est recommandé ou c'est obligatoire? C'est obligatoire. Si tu ne suis pas ça, t'es pas sur, tu ne seras pas guidé, tu ne seras pas sur la guidance. Donc, tout ça, c'est la signification de la salafie. Il faut regarder qu'est-ce que ça signifie. Tout mot, toute affiliation a une signification. Une affiliation sans signification, ça veut rien dire. Hein? C'est comme aujourd'hui, par exemple, les koufars, ils font des élections maintenant, ils sont en train de faire des élections. Il y a le parti libéral, le parti conservateur, le parti NPD ou je ne sais pas quoi. Tu demandes à ces gens-là, c'est quoi la différence entre les principes et les fondements idéologiques du NPD, des libéraux et des néo-démocrates? C'est quoi leur fondement idéologique et c'est quoi les divergences entre eux? Est-ce que c'est juste des noms comme ça qu'ils ont choisis, interchangeables, et que chacun, ils ont les mêmes idées, les mêmes croyances, les mêmes positions sur les questions, et ces positions sur ces questions sont influencées par quoi? Par des principes, n'est-ce pas? C'est pas juste des noms comme ça qu'ils ont choisis au hasard, puis qu'ils se sont donnés, puis que chacun vaut la même chose. Chaque position, chaque parti a les mêmes fondements, les mêmes principes. C'est pas vrai. Si c'est pas vrai pour les idées, et les idéologies politiques, et les idées des koufars, et les différentes théories et idéologies qu'ils ont inventées, alors comment quelqu'un pourrait s'imaginer que dans la religion, les différents partis, les différents groupes, les différents noms, les différentes appellations sont juste des appellations qui n'ont pas de signification et qui n'ont pas de sens? Et c'est là l'erreur de ceux qui disent « C'est pas grave, vous n'avez pas besoin de... Yani, moi, je ne suis pas soufi, je ne suis pas salafi, je ne suis pas chien, je ne suis pas... » La façon quand ils disent ça, c'est comme s'ils pensaient que tous ces noms-là avaient la même signification et la même implication et qu'ils avaient tous les mêmes fondements, les mêmes règles et les mêmes principes fondamentaux. C'est faux. Ils se contredisent tous les uns les autres. Mais les salafis, les gens de la sunna, Ahlul Azhar, Ahlul Hadith, hein? Ça, c'est des synonymes qui désignent le même groupe et qui sont ceux qui s'accrochent au Coran et à la Sunna sur la compréhension des Sahaba, des Tabi'in et des Tabi'at Tabi'in et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux contredire dans l'islam? Non. Si quelqu'un il monte sur le mimbar, il y a un cheikh qui disait ça une fois, si quelqu'un monte sur le mimbar dans une mosquée et qu'il dit, si quelqu'un ne fait pas partie du groupe des frères musulmans, c'est un égaré. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Si quelqu'un ne fait pas partie du groupe de Hassan al-Banna, qui est fondé en 1928, hein, en Égypte, s'il n'est pas dans ce groupe-là, c'est un égaré. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Oui ou non? Non. Pourquoi? Hein? Avant 1928, c'est qui est-ce qui était sur ce groupe-là? Il n'y avait personne. Il n'existait pas. Et ces fondements que Hassan al-Banna a établis, la plupart sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et qu'est-ce qu'il a suivi comme méthodologie et comme croyance lui-même? C'est en contradiction avec la Sunna. C'est un soufi ash'ari, hein, avec des idéologies politiques contradictoires qui contredisent le Coran et la Sunna. Donc, si tu dis ça aux musulmans, ça veut dire que tu es en train de dire que les sahabas sont dans l'égarement, même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans l'égarement, parce qu'il a contredit les idéologies des frères musulmans. La même chose pour les autres groupes. Mais si je te dis, il est obligatoire de suivre la voie des salafus salih, et celui qui contredit les salafus salih, il est dans l'égarement, Est-ce qu'un musulman peut ne pas être d'accord avec ça? Hein? Il est obligé d'être d'accord avec ça. Il est obligé de l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas d'autre chose vraie par rapport à l'islam, excepté cette voie-là. Il n'y a pas d'autre chemin que le chemin des salafs. Il n'y a pas d'autre voie que la voie des salafs. Et ça, ce n'est pas quelque chose que des ulama de notre époque seulement ont dit. C'est des paroles que des salafs, les ulama disent depuis la génération des tabi'ins, tu vois, dans leurs livres, ils parlent des salafs en disant, en parlant des sahaba, ils disent non salaf. Tu vois, dans Sahih al-Bukhari, les tabi'ins, ils disent non salaf disait. Nos salafs faisaient. Hein? Ils parlent de qui? Ils parlent des sahaba. C'est quoi la, combien de générations entre les deux? C'est une génération. Il y a les tabi'ins après les sahaba directement après. Mais ils utilisaient le terme salaf. Donc l'utilisation du terme salaf et de s'affilier au salaf et de dire qu'on est sur la voie des salaf, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose de récent. Donc ça, c'est très important à comprendre. Après, il dit من الرغم مما ذكر ومما لم يذكر من الأدلة القطعية من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة والآثار الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على الرغم من تلك الأدلة التي تصرخ بأعلى صوتها بأن السنة سن الكتاب أن السنة هي الحكمة المذكورة في القرآن وغيرها وفي غير ما آية وأنها من وحي الله وأن ديننا يؤخذ من الكتاب والسنة معا لا من الكتاب وحده على الرغم من كل ذلك لم تسلم السنة من تهجم جهلة المتفقهة وأعداء غلاة الرافضة الزنادقة حيث زعمت الرافضة وجوب الاستغناء بالقرآن عن السنة في أصول الدين وفروعه والأحكام الشرعية لأن الأحاديث في زعمهم رواية قوم كفار. On a mentionné ça. Il y a des gens qui ont, malgré toutes les preuves, opposé. Hein? Qu'est-ce qu'on mentionne? Comme par exemple les Rafidah. Et certains ignorants parmi les gens qui prétendent vouloir suivre le fiqh. Ils disent, on n'a pas besoin de la sunna, on peut juste suivre le Coran. Hein, dans la croyance, dans les fondements, dans les règles de la charia et ainsi de suite. Parce qu'ils disent que, comme on a dit tout à l'heure, ils disent que le Coran s'est rapporté par des kuffars. Même qu'ils disent, et ils croient, que ça devait être Ali qui devait être le prophète. Certains d'entre eux disent ça. Ils disent que Jibril alayhi salam s'est trompé. Au lieu de donner la révélation à Ali radiallahu anhu, il l'a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est kufr, yani, c'est grave. ومنهم من يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة ولكنه يقول إن الخلافة كانت حقا لعلي رضي الله عنه فلما عدل بها الصحابة إلى أبي بكر رضي الله عنه كفروا بذلك في زعمهم. Il y en a d'autres qui disent, oui, on croit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était le messager. Mais ils disent que après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça devait être Ali, hein, le khalifa, et non pas Abu Bakr, Omar et Uthman. Alors ils disent qu'à cause de ça, ils ont rejeté la foi, ils sont devenus des kuffars à cause de ça. Yani, si on regarde la question par exemple, si, supposons que ils prétendent ça, déjà il faudrait qu'il y ait une preuve dans la charia pour dire que ça devait être Ali qui devait être le khalifa, un hadith ou quelque chose. Bien entendu, eux, ils ont inventé les hadiths à ce sujet-là. Hein? Ils ont fabriqué les hadiths, parce qu'ils fabriquent toujours des hadiths. Mais il n'y a rien dans le Coran, dans la Sunna, qui indique quoi que ce soit de ça. Ils disent que c'était même écrit dans le Coran, mais que ça a été enlevé par les sahaba. A'udhu billah. Donc, ils récitent un verset qu'ils ont inventé, qui disent qu'avant, c'était mentionné dans le Coran que Ali, c'était le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui le successeur. Yani, c'est des gens, yani, ils ont inventé une religion, yani, grave. Donc, tout ça pour faire une histoire de khilafa. Hein, ils basent toute leur religion sur le khilafa de Ali, radiallahu anhu, et pour eux, c'est comme c'est ça le plus important dans la religion. Si tu ne crois pas au khilafa de Ali, tu es un kafir. Et c'est pour ça la religion a été établie pour eux. Ce n'est pas le tawhid, ce n'est pas la aqidah, ce n'est pas la da'wah des messagers. Non, c'est le khilafa de Ali. C'est ça le plus grand fondement de la religion. C'est comme les chrétiens quand ils te disent il faut que tu crois que Jésus est mort sur la croix. Sinon, ça ne sert à rien de croire en Dieu, de prier, de croire aux messagers, aux livres, aux prophètes. Tu ne crois pas que Jésus est mort sur la croix, tu n'es pas croyant. Ajib, subhanallah. Alors que l'islam est venu contredire cette foi-là en particulier. Dans les fondements même de leur croyance, on est venu détruire ça en partant. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ » Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais cela leur a paru ainsi. « وَمَا قَتَلُهُ يَقِينَ » C'est certain qu'ils ne l'ont pas tué. Allah il confirme. Hein? Donc, tu vois la preuve de ça dans le Coran. Il dit « وَرَدُّ أَحَدِثِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَخِيرًا أَطْلَقَ أَتْبَعُ هَؤُلَاء الْمُتَأْخِرِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِأَنَّهُمْ الْقُرْآنِيُونَ » C'est ça. Il y a des gens qui sont apparus dernièrement, hein, à part des Qadianiyas et des Qadianiyas et des Ahmadiyas, il y a un groupe qui est apparu comme ça. Ils ne sont pas organisés vraiment en une secte, hein, réunie, mais ils ont des idées comme ça qui circulent un peu partout. Des gens qui s'appellent des Qur'aniyoun. Hein, eux, ils disent on croit juste au Qur'an. Donc tout ils interprètent, yani, ils disent il y a seulement le Coran, on ne prend pas la Sunna. A'udhu billah. Donc ils rejettent le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc on va terminer juste avec la conclusion. إذ وبعد فهذا ما استحسنت أن أسجله في هذا المقام من كلام أهل العلم للاستدلال على أهمية المقام وهو مقام جد خطير كما ترى. Donc il dit ça c'est ce que j'ai voulu mentionner, hein, par rapport à la position des ulama sur cette question, hein, et les preuves que j'ai mentionnées à ce sujet pour faire comprendre l'importance du sujet, et c'est un sujet qui est très dangereux, très grave, sérieux, et beaucoup de gens parmi les musulmans aujourd'hui, yani, ils ont été distraits, hein, par toutes sortes d'opinions qui circulent, et ils abandonnent les textes du Coran et de la Sunna derrière leur dos. Et il dit وكأني بقائل يقول إن المسلمين لم يهجروا كتاب ربهم ولم يهملوه بل قد انتشرت في الآونة الأخيرة إذاعة القرآن الكريم في عواصم المسلمين كما انتشرت مدارس تحفظ القرآن في أكثر المدن بل خصصت الجماعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية للقرآن وعلومه المتنوعة فكيف يقال إن المسلمين قد هاجروا القرآن والحالة هذه. الجواب ما ذكر واقع وهو عمل نافع جليل إن شاء الله إلا أن هذا المقدار ليس هو كل ما يجب على المسلمين نحو القرآن بل كل ما ذكر إنما هي وسائل لا ينبغي الوقوف عند الوسائل قبل الوصول إلى الغاية لأن الغرض من إذاعة القرآن وحفظه ودراسة علومه هو المحافظة عليه كدستور للأمة يجب الحفاظ عليه. Donc le cheikh il dit, certaines personnes pourraient dire ouais mais aujourd'hui on a toutes sortes de choses avec le Coran, on a la radio où il y a les mentions, les versets du Coran, إذاعة القرآن. Surtout le cheikh il parle de l'Arabie Saoudite là-bas, et les écoles de tahfiz al-Qur'an où on mémorise le Qur'an aux enfants, on fait mémoriser aux enfants le Qur'an, et il y a même l'université islamique de Médine où il y a une faculté qui est consacrée au Qur'an et à l'étude des sciences du Qur'an. Donc quelqu'un pourrait demander comment on peut dire que les musulmans ont délaissé le Qur'an alors que on voit toutes ces bonnes choses. Et le cheikh il dit oui ça c'est des bonnes choses, il n'y a pas de doute que c'est bien, Mais ce n'est pas tout ce qui est obligatoire pour les musulmans par rapport au Coran. Il y a beaucoup d'autres obligations. Et tout ce qu'on a mentionné, comme école, comme enseignement, comme université, comme des choses de ce genre, il dit ça c'est des moyens pour arriver à un but, à un objectif. Et il dit, il ne faut pas mélanger les moyens avec les objectifs. Et l'objectif, il dit, c'est de revenir au Coran et à la Sunna dans tous les différents aspects de la vie. Et de prendre le Coran comme une référence pour l'appliquer. Donc ce n'est pas suffisant juste de faire entendre le Coran ou de le mémoriser, mais il faut juger par celui-ci et l'appliquer. Il faut que ce soit la source de référence et la base dans la législation pour les musulmans. Donc il met de l'importance sur ça. Et il dit, يقول الإمام ابن القيم, parce que Allah سبحانه وتعالى dit, وقال الرسول إن قوم يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ô Seigneur, mon peuple a pris ce Coran comme quelque chose de délaissé, c'est-à-dire ils l'ont abandonné ou ils l'ont délaissé. Et donc Ibn al-Qayyim il explique qu'est-ce que ça veut dire de délaisser le Coran. Et on va terminer avec ça. Il dit, يقول ابن القيم هجر القرآن أنواع خمسة أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. Donc la première façon de délaisser le Coran, c'est de ne pas l'écouter, de ne pas croire en celui-ci, ou de ne pas prêter l'oreille au Coran. Deuxième, هجر العمل به وال الوقف عند حلاله وحرامه إن قرأه وآمن به. Deuxièmement, d'abandonner l'application du Coran, c'est-à-dire tu l'appliques pas et tu t'arrêtes pas à qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram dedans. Si tu l'as lu ou tu as cru en qu'est-ce qui est écrit dedans. والثالث هجر التحكيم والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد العلم اليقيني وأن أدلته لفظية لا يحصل لها العلم. Le cheikh il dit également le fait de délaisser, le fait de juger par le Coran et de le prendre comme référence et comme juge dans les fondements de la religion, c'est-à-dire dans la croyance et dans les branches de la religion, c'est-à-dire dans toutes les règles de l'application. Et ça c'est important, qu'est-ce que le cheikh explique ici. Beaucoup de gens ils disent on veut appliquer le Coran, on veut appliquer la charia, on veut ci et ça. Puis tu vois que dans la aqida ils n'appliquent pas la charia. Et entre les groupes et les sectes, les différents prêcheurs, ils n'appliquent pas la charia. Ils ne jugent pas par la charia. Ils pensent qu'appliquer la charia c'est juste appliquer les peines, des punitions de la charia, mais après ça, dans l'aqida, dans le manhaj et les autres sujets, ils cherchent pas à appliquer la charia. Alors que la charia, c'est beaucoup plus que juste appliquer les peines. Quatrièmement, هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. Donc, de se détacher de la réflexion et de la compréhension du Coran et de méditer sur ses sens pour comprendre ce que Allah a voulu par ces versets. والخامس هجر الاستشفاء به والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأضرانها فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. Également, cinquièmement, c'est de se détacher ou de se délaisser de prendre le Coran comme remède, comme médicament quand on a une maladie dans le cœur. Ou bien un malaise quelconque. Au lieu de prendre le Coran comme un remède, tu cherches autre chose. Ça aussi, ça fait partie des formes de hujran, de délaisser le Coran. Donc tout ça, c'est des exemples que le cheikh il a mentionné. Il y a beaucoup d'autres points qu'il a mentionnés, mais étant donné que on est arrivé un peu plus tôt, un peu plus tard que prévu, on n'a pas pu faire la première session. Sinon, on aurait pu terminer tous les détails de qu'est-ce qui est mentionné dans ce livre. Mais je pense que qu'est-ce qu'on a lu ensemble, ça a été un bon résumé quand même, et on a touché aux points les plus importants de qu'est-ce qui était écrit par le cheikh, rahimahullah. Et donc, pour terminer, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre ces explications bénéfiques et de faire qu'on puisse les utiliser et les mettre en application et les comprendre comme il faut. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous cet effort. Que Allah subhanahu wa ta'ala récompense les frères qui ont fait l'effort d'organiser cet événement, puis de faire en sorte que ça se reproduise dans l'avenir et qu'on puisse justement faire en sorte que la voix de la sunna et de la salafia soit entendue partout, hein, et même ici dans cette ville de Québec et ailleurs. Et puis alhamdoulilah, yani, qu'il y ait des bonnes relations entre nous, les frères de Montréal et les frères de Québec qui veulent s'attacher à la sunna et à la salafia. J'ai été très content de cette initiative de la part des frères. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner plus de ilm, plus de science, plus de compréhension de sa religion et d'être rempli de sincérité dans nos œuvres et dans nos actions. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفيكم بارك ان شاء الله